Ben, je vais reprendre donc ce que j'ai promis de faire la dernière fois, c'est-à-dire de l'analyse de cette question du borderline comme pathologie sociale, psychosociale de la personnalité, comme elle a été notamment, comme je vous racontais la dernière fois, finalement mis en circulation comme un problème sociologique, une manière de comprendre la vie des individus, par Keith Lash dans le livre dont je parlais la dernière fois, en s'appuyant sur Kernberg. Simplement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un truc que je n'ai jamais fait, donc c'est complètement oublié, c'est des brouillons, je n'ai même pas été capable de faire un exposé très, très en forme. Je vais essayer de me risquer à essayer de comprendre cette question des borderlines, comme je le promets tout en reculant à chaque fois le moment de le faire, du point de vue d'une autre façon d'agencer les concepts psychanalytiques fondamentaux et de construire une métapsychologie qui cesse de voir dans les borderlines quelque chose qui serait comme ça une troisième structure, quelque chose comme dit Green, n'est-ce pas, il y aurait névrose, psychose, voilà, et puis il y aurait une espèce de pilier, autre dimension comme ça, qui cesse aussi d'y voir un signe de l'effondrement des conditions même subjectives de la possibilité de faire de la psychanalyse, et qui donc considère que quelque chose se passe dans ce qu'on a comme ça étiqueté les borderlines, qui traduit d'une transformation qui n'est pas simplement psychopathologique, qui est psychologique, hein, qui serait éventuellement possible de penser en termes, je dirais pas positifs, mais en tout cas sans la connotation d'ultra-pathologie, hein, c'est quelque chose qui est, c'est pas comme la pathologie névrotique ni même psychotique, c'est quelque chose de finalement serait engager les conditions même de l'existence subjective, parce que le social se défait, etc. Bon. Alors, pour ça, je vais rappeler un certain nombre de choses auxquelles je tiens beaucoup dans l'analyse de la culpabilité chez Mélanie Klein. Donc je vais essayer d'indiquer quel est au fond le point de départ du raisonnement ou de l'analyse que je vais vous faire, et les deux concepts fondamentaux que je reprends donc de Mélanie Klein, la notion d'angoisse dépressive et celle d'angoisse persécutive, dont je pense qu'il y a d'autres agencements que ceux qu'elle a construits et qui gravitent tous autour de la notion de culpabilité. Bon. Ensuite, j'expliquerai un petit peu quels sont les enjeux qui se passent maintenant. J'essaierai de proposer une autre manière de composer angoisse dépressive et angoisse persécutive, que celle qui est la seule, en fait, que Mélanie Klein admet, qui est l'intégration de ces deux angoisses dans le sentiment de culpabilité, la constitution du surmoi, etc. Bon. Et quelque chose que j'avais déjà commencé à faire en décrivant le cas Paramore, mais dont je voudrais ici montrer d'autres usages, d'autres fonctions possibles. Il y a des chaises ici. Ah d'accord, ok. Ce qui me permettra de soulever une question que j'avais soulevée la dernière fois en vous parlant de Kernberg et la façon dont Kernberg, bien qu'il introduise entre à mots couverts le diable kleinien dans la psychanalyse américaine, s'arrête toujours sur un certain nombre de points bien précis. La pulsion de mort, des choses comme ça, et à une pratique très spécifique. Hein, je l'avais présenté malheureusement de façon un peu ironique, ce qu'il faudrait que j'évite de faire, ces techniques d'épreuve, là, comme ça, pour savoir si le patient c'est un borderline ou pas, hein, avec la fameuse question de la psychose de transfert qui serait induite par une certaine manière de manipuler le patient dans les entretiens préliminaires, pour tester jusqu'à quel point on a une psychose, quelque chose qui serait plutôt du borderline et attesté par la présence d'une psychose de transfert, de transference psychosis, ou bien un névrosé. Et comment, comment ça l'amène à, justement là, au problème de, d'une certaine définition de l'identification projective, qui est une définition kleinienne et qui est à prendre en mauvaise part. Hein, chez Mélanie Klein, c'est un mécanisme de défense fondamental avec le clivage, le déni, etc. C'est les moments où le patient, sollicité par cette interprétation d'épreuve, hein, qui sert à tester sa structure, arrive à dire des choses comme « je suis vous », hein, ou à être dans une sorte de crise interne au transfert dans laquelle il se met à la place de l'analyste, où il analyse l'analyste, il fait éclater le cadre sur ce mode-là, qui frise ce que Lacan appelle, n'est-ce pas, la régression topique au stade du miroir, où vraiment, il pourrait y avoir comme ça des espèces d'inversions dans la séance, où le patient parle en étant, par exemple, dans la position de l'analyste, hein, des choses de ce genre. Et puis, si tout va bien, si j'arrive à aller jusque-là, je vous parlerai d'un truc dont on parle certainement jamais dans les milieux analytiques, qui est la thérapie qu'on appelle la Dialectical Behavior Therapy, DBT, inventée par Masha Linehan, qui est la thérapie bizarroïde. Effectivement, je vais essayer de la rendre la moins bizarre possible, au contraire de vous en faire valoir le sens, qui est considérée comme la thérapie standard des borderline, hein, qui est une forme de thérapie cognitivo-comportementale matinée de ce gadget orientaliste branché de la psychothérapie cognitive contemporaine qu'on appelle la mindful awareness, qui est une sorte de bouddhisme très particulier, le bouddhisme pour californien, comme j'aime à dire. Déjà, je suis en train de me foutre de la gueule de ma chaîne, mais je ne devrais pas, parce que je vais essayer de vous montrer qu'il y a là quelque chose, et bien qui est, c'est un peu amer à dire, peut-être plus profond, enfin, qui a un potentiel plus fort que les techniques d'interprétation d'épreuves à la Gernberg, et qui attrape justement quelque chose de ce qui se passe avec le type de soi, de self, qui n'est pas l'ego, qui n'est pas le moi, qui est en jeu, qui est engagé dans la constitution de cette histoire des borderline. Et donc je vais essayer de présenter ça sous un jour, sous un jour assez positif, que vous voyez à peu près qu'est-ce que intuitivement elle a fait. Bon, la raison pour laquelle on peut le faire aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé une chose il y a 2 ans, je ne sais pas si vous suivez ses activités, enfin Masha Linehan, c'est un des plus grands personnages de la psychothérapie, hein. Elle était présidente de toutes les associations de psychothérapie, elle a créé une psychothérapie, c'est vrai, elle était professeure dans les plus grandes universités de psychiatrie, en psychologie, etc. Et en 2011, elle a publié une interview d'elle dans le New York Times, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, qui, bon, ici n'a pas évidemment soulevé beaucoup d'intérêt, mais qui a été un choc aux États-Unis, où elle expliquait qu'elle était elle-même, depuis qu'elle avait l'âge de 18 ans, précisément le genre de patient dont il s'agit ici, qu'elle avait passé sa vie hantée par des tentatives de suicide, avec des automutilations, hein, des choses comme ça, tout à fait importante. Et ce que j'essaierai de faire, c'est de montrer un petit peu ce que nous apprend le fait qu'il y a quelque chose d'un peu opératoire, qui semble avoir une sorte de degré de généralité, comme ça, voilà. On arrive à peu près bien à s'occuper des gens quand on utilise ce truc-là. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Ça ne veut pas du tout dire que c'est profond et qu'on va aller très loin avec le DBT, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de réel qui a été attrapé dans une condition qui existe. Voilà. Et c'est très intéressant, parce que comme je vous maintiens toujours qu'il faut penser la coproduction d'une pathologie et de sa thérapie, je trouve qu'ici, là, on a vraiment un phénomène qui amène à réfléchir sur la manière dont les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est là où j'essaierai d'en tirer quelques conséquences pour la psychanalyse. Alors tout d'abord, ce que je mets sur la table, c'est quelque chose que j'ai expliqué à plusieurs endroits dans mon dernier bouquin, mais dont je n'arrive pas à me persuader moi-même très bien. Je suis obligé de le reprendre, d'essayer de tâtonner pour voir comment ces choses s'emboîtent, qui est la conception kleinienne de la culpabilité. Alors, c'est une conception qui est très, très simple, c'est qu'elle tire de son matériel avec les enfants, avec les petits, en particulier de la destructivité des enfants dans le jeu, les commentaires qu'ils font sur les objets qu'ils jettent, qu'ils prennent, sur l'utilisation de l'eau dans la séance notamment. De l'eau, d'ailleurs, plus que du dessin. On est là à travailler sur des éléments extrêmement matériels, la présence de l'analyse dans la pièce, des choses de ce genre. Une théorie de la culpabilité qui repose sur les deux types d'angoisse qu'elle met en évidence, l'angoisse dépressive et l'angoisse persécutive. Et la culpabilité, ce serait une certaine manière d'intégrer ces deux angoisses, c'est un résultat, le résultat d'une intégration. Accéder à la culpabilité est un stade du développement, c'est pas une culpabilité originaire, elle est déjà dérivée par rapport à ces angoisses qui préexistent à la constitution donc de la conscience morale du reste, c'est une des raisons pour lesquelles elle est en conflit avec Freud sur la datation de l'émergence du surmoi. Et ça s'emboîte de la manière suivante, c'est que la culpabilité est une auto-accusation déprimante. Voilà. Et cette auto-accusation déprimante, qui est non seulement une auto-accusation, mais qui est déprimante parce qu'elle est une auto-condamnation, dans un paradigme où le fond de l'expérience, ça va être quelque chose de l'ordre de la mélancolie. Le point dangereux, c'est la mélancolie comme noyau de cette culpabilité, comme noyau pathologique. D'une certaine manière, lié à une attaque contre le bon objet. Pourquoi on s'auto-accuse, pourquoi on s'auto-condamne et on se déprime? C'est parce qu'on attaque le bon objet. Et cette attaque contre le bon objet, deux versions, j'ai très nettement distingué chez Mélanie Klein. Bon, je rappelle des choses qu'on pourrait trouver partout, mais bon, qui sont quand même assez bien, assez simples. C'est la découverte qui est parfaitement claire dans les textes après la Deuxième Guerre mondiale, que le modèle dont elle était partie, le modèle de la psychose maniaco-dépressive, la réflexion sur le deuil chez Freud, ne suffit pas parce que, au départ, elle pense que le surmoi, c'est l'entité qui se constitue à l'intérieur du soi pour défléchir la pulsion de mort. Mais que la pulsion de mort serait quelque chose qui viendrait fondamentalement de l'extérieur de la monade vivante, de la monade pulsionnelle, etc. Et que le surmoi serait un moyen, un surmoi destructeur, de défléchir tout en mettant à l'intérieur de l'appareil psychique l'extrême violence dont il est question. Alors, c'est, si vous voulez, un effet du retentissement très profond qu'a la refonte des topiques freudiennes, puisque au début, dans la première topique, les pulsions, elles sont en dehors de l'appareil psychique, le moi, le ça. Tandis que dans l'inconscient, les pulsions, c'est des choses que traite l'appareil psychique. Tandis que dans la deuxième topique, comme vous savez, les pulsions font partie de l'appareil psychique. Le ça est une instance à l'intérieur. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout cette espèce de mécanisme venant traiter quelque chose qui lui reste extérieur, mais ce qui était extérieur est intégré et c'est aux pulsions elles-mêmes, par une dialectique très particulière, de constituer les instances du psychisme. D'où la face mortifère du surmoi, le surmoi archaïque, qui est lui-même, d'abord dans le cadre des pulsions de vie, sous sa forme extrêmement sévère et sous sa forme extrêmement destructrice et autodestructrice, lorsque c'est les pulsions de mort qui sont impliquées là-dedans par la démiction pulsionnelle. Alors, chez Mélanie Klein, l'idée est que cette pulsion de mort, elle est défléchie, et que c'est par le biais, c'est le mot qu'elle emploie, hein, deflection, sur le mode d'être intégré ainsi. Et puis, après 1945, ce suite d'ailleurs aux polémiques, aux objections très fortes que va lui faire Ferber, dont l'intérêt dans l'histoire de la psychanalyse est presque entièrement réduit à avoir fait évoluer Mélanie Klein sur ce point crucial, hein, je crois. On va pas voir ailleurs ce que Ferber aurait bien apporté. C'est qu'il lui dit, mais c'est pas possible de penser tout à partir du modèle de la folie maniaco-dépressive d'Abraham, parce que c'est de l'intérieur, dans la schizophrénie, par exemple, ou dans les pathologies dissociatives, la manière en particulier dont Ferber pense l'hystérie, mais enfin c'est surtout bien sensible pour la schizophrénie, c'est de l'intérieur que la pulsion de mort, et pas de l'extérieur, attaque fondamentalement le bon objet. Ce qui pose la question de l'envie et de la gratitude, l'envie comme expression fondamentale de cette agressivité qui vient de l'intérieur, de cette pulsion de mort qui se déchaîne de l'intérieur, et qui oblige Mélanie Klein à modifier fondamentalement les choses et à mettre l'accent sur un fait contingent, c'est que tout le monde n'a pas de bon objet au départ. C'est qu'il se peut que le problème fondamental de la schizophrénie, c'est pour ça que là on va parler ensuite de phase schizo-paranoïde et pas simplement de mécanisme paranoïde ou maniaco-mélancolique chez Mélanie Klein après 1945. Pourquoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait déjà ce premier objet sur lequel on puisse faire fond pour être confronté au déchaînement des pulsions d'agression à l'autodestruction. Et c'est ce qui ferait absolument défaut dans la schizophrénie, qui serait ainsi vouée à la destruction. C'est ça l'envie. L'envie, c'est la destruction du bon objet. Alors, dans ce cadre-là, la notion de réparation va prendre une fonction fondamentale. C'est par la réparation que Mélanie Klein réarticule la culpabilité et l'intégration des deux angoisses à la relation d'objet. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on ne répare pas, je dirais, parce qu'on est coupable. C'est plus complexe que ça. On répare parce que la réparation fait partie, avec la culpabilité, de la dynamique de l'intrication des deux angoisses primaires. La réparation ne se conçoit pas comme ça, quelque chose qui va avec la culpabilité, mais avec ce qui constitue originairement la culpabilité, notamment avec ce jeu des angoisses dépressives persécutives. Et tout particulièrement avec l'angoisse dépressive. J'insiste sur ce point. La réparation est étroitement liée non pas à la culpabilité, mais à l'angoisse dépressive, parce que la position, la position dépressive qui est l'intégration ultime de la capacité de réparer, c'est se sentir mal pour le bon objet. La condition de la réparation, chez Mélanie Klein, c'est qu'on puisse souffrir pour le bon objet qu'on attaque. Et elle donne des témoignages assez amusants, des gosses comme ça, qui vont chercher les objets, etc. Et je regarde ça dans plein de livres d'enfants, c'est extrêmement frappant. Plein de livres d'enfants, il y en a un là, que je lisais récemment, qui s'appelle Oscar, fait une grosse colère, qui est un étonnant texte kleinien, où le petit Oscar, comme ça, furieux, jette ses affaires partout, monte dans sa chambre, une colère énorme, lui, ça, vous connaissez, hein, je vois qu'il est des connaisseurs. C'est pas Oscar, d'ailleurs. Je crois que c'est Robert. Robert fait une grosse colère. Donc, le monstre rouge se forme. Un monstre rouge se forme dans la pièce, brise les objets. Je vous le recommande avec les petits. C'est une histoire qui vraiment les petits patients s'en emparent avec une sorte de C'est comme si on avait lu un livre ouvert dans leur tête. Et donc, Robert fait sa grosse colère, le monstre rouge apparaît, commence à tout détruire, etc. Puis il brise une petite voiture, je crois, et là, à ce moment-là, l'enfant répare son jouet, et en réparant son jouet, fait rentrer le monstre dans une petite boîte, et ensuite, voilà, se réconcilie avec ses parents. Et il y a un cycle extrêmement frappant, où vous voyez dans extrêmement bien, si j'ose dire, sans aucune théorie, le cycle projectif de la colère, la réparation du projet, l'identification de l'enfant à la petite voiture, qui sont toutes sortes de choses, je dirais, qui sont à nu dans n'importe quelle cure d'enfant. C'est, je dirais, à cet égard, tout à fait fascinant. Il entretient avec sa propre colère aussi. Oui, il se parle. On fait quoi ? Tout ce que tu veux, lui dit Robert. Tout ce que tu veux, lui dit Robert, qui n'emmène pas large, hein, devant le gros monstre rouge qui lui est sorti avec son cri, hein, dans la bouche. Alors, ce qui me frappe beaucoup là-dedans, c'est ce que je vous dis dans l'idée d'être déprimé pour l'objet. Parce que c'est ça, au fond, l'essence de la projection. Il ne faut pas du tout aller y voir je ne sais quel mécanisme sur le mode du crachat, hein, comme on se le représente imaginairement. C'est grammatical. C'est la possibilité que certains termes affectifs, et notamment l'angoisse, puissent s'utiliser avec « pour ». Hein. J'avais beaucoup travaillé là-dessus sur l'angoisse et sur la honte, n'est-ce pas ? On peut être angoissé pour quelqu'un, on peut être honteux pour quelqu'un, et pas simplement de quelqu'un, on peut être angoissé de quelque chose, tandis que on ne peut pas, par exemple, être coupable pour quelqu'un. On peut être honteux pour quelqu'un, mais on ne peut pas être... Ou de la même manière, on peut avoir peur de quelque chose, mais vous ne pouvez pas avoir peur pour quelqu'un. Quand vous avez peur pour quelqu'un, c'est de l'angoisse. Et c'est dans la langue, hein, il y a un certain nombre d'affects où vous pouvez utiliser l'affect avec un système prépositionnel, c'est-à-dire des structures intentionnelles en « de », en « pour », etc. Et puis d'autres, vous ne pouvez pas. Ça dessine, hein, tout un espace de projectivité qui est le « pro », c'est le « pour », tout simplement, dans lequel on peut se mettre à la place de l'objet. Par exemple, là, je viens de faire un lapsus, « je suis rouge de honte », vous pourriez avoir honte pour moi. Honte de ce que j'ai dit, je suis complètement planté, j'ai confondu Oscar et Robert, ça y est, il est en train de casser le nom d'un de ses patients, je ne sais pas quoi, la faute. Et donc, on pourrait comme ça le mettre sur le mode de la honte, mais en fait, vous auriez honte pour moi et vous seriez finalement dans le même état physiologique que moi, qui a honte. Moi, j'ai honte d'avoir fait un lapsus et vous avez honte pour moi. De la manière, l'angoisse, la base de sa pseudo-contagiosité, c'est pas qu'il y a des ondes, hein, qui vous attaquent, c'est que tout simplement ça fait partie de la grammaire logique même de l'angoisse, qu'on puisse s'angoisser de quelque chose et pour quelqu'un. On peut se réjouir aussi, par exemple. Tandis qu'on peut pas, on peut se réjouir pour quelqu'un, mais on peut pas jouir pour quelqu'un, par exemple. Ça, c'est, on peut se réjouir pour quelqu'un. Bon, il y a toutes sortes comme ça d'affects où la grammaire des prépositions nous donne des indications sur la façon dont elles sont constituées dans l'espace dans lequel nous vivons. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, excusez-moi, c'est que la mère n'est pas présente. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est le père. C'est le père, oui. Je n'ai vu que le père. Ce qui est très rare dans les livres pour enfants qui traitent de la colère. Ouais. J'ai vérifié. Je suis pas venu pour rien ce soir. Alors, cette dimension de réparation, elle est là. Hein. C'est une réparation de soi, mais pour autrui. C'est là où elle se met en place. Et effectivement, elle implique une dimension très particulière, c'est que c'est s'il y a réparation qu'il peut y avoir séparation. Alors ça, j'insiste bien sur ce thème, parce que c'est une autre façon de penser la séparation que la façon dont Lacan la conçoit, n'est-ce pas, dans le couple séparation-aliénation. Ici, ce qui est absolument central chez Mélanie Klein, qui ouvre une toute autre perspective, hein, c'est séparation-réparation. Et c'est par le biais de cette expérience-là que les choses se font. Alors, bien sûr, cette réparation, elle subit, en même temps qu'elle se constitue avec les différentes formes de culpabilité, les mêmes distorsions, les mêmes mésaventures que la constitution de la culpabilité jusqu'à la position dépressive. C'est-à-dire qu'elle a, en gros, pour faire vite, trois formes qu'on trouve bien attestées chez Mélanie Klein. Il y a la réparation maniaque, la réparation obsessionnelle et la réparation sublimation. Alors, la réparation maniaque, c'est, elle est magique, elle est essentiellement magique. C'est une sorte de façon de projeter sa toute-puissance dans l'objet, en déniant la dépendance qu'on a à l'égard de l'objet. Chez Massoud Khan, la réparation maniaque est en fait le fil conducteur de sa conception de la perversion. Voilà, un pervers, c'est fondamentalement quelqu'un qui est dans... Alors c'est très manifeste chez les grands pédophiles, pour autant qu'on puisse en voir qui vous raconte des choses. Mais alors, la réparation maniaque, la réparation magique, le fait de, en particulier, d'être amoureux de l'enfant qu'on violente, est absolument typique dans ce genre de situation. Enfin bon, c'est pas très courant de le décrire comme ça. Massoud Khan fait quelques réflexions intéressantes là-dessus. La deuxième forme, c'est celle qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, c'est la réparation obsessionnelle. C'est-à-dire le moment où le jeu qui permettrait de reprendre l'objet, de le réengager dans une relation et d'en expérimenter les choses sur le mode du Forda est constamment menacé par l'auto-annulation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste maniaque dans le rituel obsessionnel et qui l'empêche de devenir un véritable jeu dans lequel un objet se constitue et où une séparation devient possible. Il n'y a plus ni réparation ni séparation. Quand l'obsessionnel va vérifier 50 fois, se relave les mains, etc., il n'arrive justement pas à extraire le jeu de la réparation maniaque et donc il n'arrive pas à entrer dans un véritable jeu qui lui permet de symboliser son rapport à l'objet. Et finalement, donc la réparation qui est intégrative... La réparation qui est intégrative, c'est une réparation qui est susceptible d'éprouver du souci pour la manière dont l'objet lui-même se constitue dans le rapport de l'angoisse dépressive à l'angoisse persécutive. Et son lieu exemplaire d'expression, c'est la réparation altruiste. C'est quand l'objet est un soi, comme le soi de la personne qui répare, le soi de la personne qui répare répare un autre soi et vient supporter et tolérer la manière même dont l'autre objet, l'autre soi, est éventuellement carent dans sa manière d'articuler angoisse dépressive et persécutive. Alors, tout ceci n'est possible à concevoir que si jusqu'au bout vous maintenez le ressort dialectique de cette construction de la culpabilité, qui est que non seulement il y a une attaque incoercible contre les objets, mais qu'elle ne cesse jamais, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépassée par l'intégration. L'intégration, c'est l'intégration de cette attaque incoercible contre les objets. Jusqu'à être capable d'intégrer comment l'autre, autrui, l'objet d'amour, l'enfant, le nourrisson, dans la sublimation artistique, comment le spectateur, celui à qui on s'adresse, le personnage de théâtre, est capable lui-même d'intégrer ces choses-là. Autrement dit, à la différence d'une théorie platement développementaliste, où on élimine progressivement la pulsion de mort comme si les pulsions de vie remplaçaient la pulsion de mort, chez Mélanie Klein, à tout moment, la totalité du dispositif est engagée. C'est pourquoi la position dépressive n'est pas un stade auquel on atteint ultimement les choses. On peut chercher à obtenir quelque chose de cette intégration de la position dépressive, jusque chez le nourrisson. En particulier lorsque le nourrisson qui est insomniaque, par exemple, peut être amené finalement à déprimer pour la mère, pour le sein, hein, ce qui est quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai dit tout à l'heure que cette connexion que je vous propose, je ne sais pas si elle existe dans la littérature kleinienne, je ne la connais pas tant que ça, entre séparation et réparation, est très distincte de tout le travail très profond que fait Lacan, notamment sur la névrose obsessionnelle, sur séparation et aliénation. Puisque, au fond, la position dépressive, intégrative, sa formule pourrait être « je m'angoisse », et m'angoisse au sens dépressif, hein, parce qu'on ne peut pas avoir une angoisse persécutive pour quelqu'un d'autre, enfin, c'est en tout cas plus difficile à se représenter, mais « je m'angoisse » au sens d'une angoisse dépressive pour toi. Et que, à cet égard, le « je » qui apparaît dans une formule de ce type est le « m », c'est-à-dire le sujet d'énonciation, hein, « je m'angoisse pour toi », le « je » étant le sujet dénoncé, sont conditionnés par une expérience affective qui est primaire. C'est la grammaire de l'angoisse et non pas la logique de la distinction signifiante. C'est la grammaire d'un affect qui est l'angoisse dépressive, qui distribue les différents éléments du jeu et de l'autre. Du jeu, dans le jeu, m'angoisse pour toi. Ça ne pourrait pas, c'est tout à fait distinct de quelque chose de l'ordre de « je te parle », « tu es mon maître », « je suis ta femme », enfin, l'ensemble de ces logiques de la réciprocation que Lacan met en place dans l'ordre de la parole. Ici, vous avez, c'est un ordre de la parole qui est entièrement subordonné à l'articulation du champ des affects et à la grammaire logique de ces affects. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de langage, mais je dis que ce qui est essentiel, c'est de le penser par rapport à ces affects comme la honte et comme l'angoisse et comme un certain nombre d'autres, comme ça, la culpabilité, où le jeu, J-E-U, entre deux, pour, etc., tisse un certain style de relation et permet de penser. Et c'est seulement si on a égard à cette subtile distinction, à mon avis, qu'on comprend que la notion de self, chez les Kleiniens, ça n'est pas, comme on a toujours l'impression, n'est-ce pas, le moi des anglo-saxons ou Dieu sait quoi. Ce self-là, c'est ce qui est engagé comme une particule, hein, réflexive dans l'auto-accusation, l'auto-persécution. C'est un opérateur qui est grammatical, hein, et dont la présence dans la métapsychologie de Mélanie Klein ne veut pas du tout dire qu'elle serait victime d'une sorte de représentation du moi qui serait confuse ou qu'on aurait transporté dans l'inconscient, alors qu'il faudrait distinguer le sujet et le moi. C'est juste que la façon dont le sujet et le moi sont distingués est entièrement distincte. Et notamment, elle passe par la constitution de la culpabilité comme une auto-accusation et une auto-condamnation déprimante. Self-accusation, si on peut dire self-condemnation, dans l'anglais qu'elle écrit. Alors, ça, c'est, je dirais, la base des choses. Ce qui me semble extrêmement important pour bien marquer aussi les conséquences que ça a dans la conduite de la cure, c'est qu'il n'existe pas vraiment, pour un Kleinien, un lieu de l'autre sur lequel pourrait s'indexer l'acte de l'analyste, et qui serait quelque chose comme, je ne dirais pas une transcendance, mais en tout cas un lieu vide en dehors de l'interaction imaginaire et de l'entre-affection. Et c'est bien, au contraire, la raison pour laquelle la réparation suprême, c'est le soin psychothérapeutique qu'est la psychanalyse elle-même. Et que, comme vous savez, les Anglais, qui ont attaché tant d'importance à la dimension psychothérapeutique de la psychanalyse, les plus puissants hein, dans leur conception, ce sont des gens du groupe des Kleiniens, hein, ou du middle group pour un certain nombre d'entre eux, c'est des gens profondément imprégnés de la psychanalyse, parce que leurs propres cures sont des cures où la dimension psychothérapeutique aurait été impossible à négliger, puisque l'analyste s'affecte. Et sans entrer dans des histoires de contre-transfert qui sont complètement, je dirais, noyées dans les différentes formes de... mais simplement parce que l'analyste s'affecte de ce qui se passe dans la séance. Et il s'affecte de ce qui se passe dans la séance parce que l'ensemble, vous voyez, de la philosophie de l'esprit, de la grammaire logique des concepts psychanalytiques qui sont mobilisés ici, sont des notions qui ne ménagent et ne construisent aucun espace comme le lieu autre, par exemple, du langage chez Lacan. Et donc, certaines asymétries radicales, certaines asymétries de la parole, de l'adresse symbolique, etc., sont trop réinvesties dans l'analyse de l'intentionnalité pulsionnelle, de l'intentionnalité des affects, pour qu'il puisse y avoir autre chose que cette espèce d'entre-affectation dans la cure. Et si Mélanie Klein termine sur cette notion de réparation et de sublimation quand il s'agit de Vandrin, encore que la sublimation, elle est beaucoup plus discrète là-dessus pour elle, c'est pas... Sublimation, c'est essentiellement... Ce qui l'a intéressé le plus, manifestement, c'est les pulsions agressives, et donc la réparation, le soin altruiste est au premier plan. La sublimation, c'est pour les pulsions sexuelles, mais comme vous savez, chez Mélanie Klein, les pulsions sexuelles ont toujours un statut un tout petit peu moins dramatique, si j'ose dire, que les pulsions agressives. Et donc c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles elle même si elle écrit des choses marrantes comme sur l'enfant et les sortilèges, par exemple, c'est moins présent. Alors, dans cette perspective, on voit bien que il n'est pas possible de concevoir la psychanalyse sans qu'elle soit une psychothérapie. Non pas pour des raisons conceptuelles, mais pour des raisons qui sont, je dirais, parce qu'on pourrait conceptualiser autrement, mais pour des raisons intrinsèquement logiques. C'est-à-dire que dès qu'on commence à penser la genèse de la culpabilité de cette manière-là, on est entraîné, à mon avis, dans une théorie de projection, dans une théorie des affects fondamentaux, etc., qui vous mène inéluctablement à faire de l'intégration réparatrice le débouché naturel de la cure. Et non seulement de le faire déboucher naturel de la cure pour soi, mais pour autrui. Mais pour autrui aussi. D'où un truc qui est quand même extrêmement frappant, c'est que le grand argument des Kleiniens, c'est qu'un analyste se vérifie à sa capacité à produire des analystes qui sont eux-mêmes des analystes dont la contribution psychothérapeutique est majeure. Et le grand reproche adressé à Bion, c'est que Bion n'a pas de postérité. C'est que Bion, il n'y a pas de grands analystes. Bon, Mélanie Klein en a fait une flopée, dont Bion. Mais Bion lui-même n'aurait pas, comme ça, produit... Alors, c'est extrêmement présent, cette notion-là, le côté incontournable dans le courant kleinien de la dimension psychothérapeutique de la psychanalyse, dont j'espère comme ça vous faire sentir la densité. Alors maintenant, est-ce que le fait que Mélanie Klein n'ait parlé que d'une intégration sur le mode de la culpabilité, des angoisses dépressives et persécutives, veut dire qu'il n'y a que ce mode-là d'intégration? Alors, cette auto-persécution qui est déprimante et angoissante de la culpabilité, on pourrait essayer, et je pense que l'exercice est à la fois conceptuelle et clinique, on pourrait essayer de réfléchir, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, à une autre manière de concevoir comment les choses se passent. Et en particulier, une autre manière de penser la manière dont ils s'intègrent l'un dans l'autre. C'est comment la persécution devient une auto-persécution qui est auto-déprimante, en quelque sorte. Est-ce que, avec c'est un phénomène qui est évidemment très clair, c'est le creusement d'une intériorité coupable, l'identification qui est en même temps une séparation déjà à l'objet à réparer, puisqu'on déprime pour l'objet. Cette espèce de logique-là se casse très très bien dans une anthropologie de la culpabilité auquel la psychanalyse appartient, etc., et qui fait que, très clairement, quelqu'un comme Mélanie Klein se pense appartenir au monde de Freud. Il me semble qu'il y a d'autres modalités d'intégration de ces deux angoisses. Alors, dans le cas Paramore, pour autant que je puisse revenir dessus et essayer de réfléchir aux limites ou aux avantages de ce que j'y propose, je faisais l'observation que ce qui me frappait beaucoup dans cette histoire-là, c'est que là où la dimension de la réflexivité intériorisante n'est plus vraiment soutenue par le social, la dimension de persécution ne devient pas une auto-persécution qui produit une intériorité culpabilisante et déprimante, mais se manifestait par des phénomènes d'hypocondrie. C'est-à-dire que là où ça ne peut pas se réfléchir intérieurement, ça vient ravager le corps. La persécution vient de l'intérieur ravager le corps, avec toujours, de manière absolument permanente, une inquiétude sur ceci, une inquiétude sur cela, qui est tempérée et amortie par des doutes, puisqu'évidemment, à un moment, ça fait mal là, puis ensuite, ça fait mal de l'autre côté. Alors, on ne sait pas si ça fait mal ici ou si ça fait mal là, etc. Des doutes qui déplacent en même temps le lieu de constitution du narcissisme, qui fait que le fait de se toucher, de se tripoter soi-même, en quelque sorte, de vérifier où est-ce qu'on a mal, cette espèce de malaise absolument permanent ne débouche jamais sur une persécution de l'autre, un machin paranoïaque. C'est pas l'autre qui me persécute, c'est ça me persécute du dedans et ça se manifeste dans le corps, avec, si j'ose dire, du coup, l'incapacité, en se déprimant, d'avoir accès à soi-même comme à un objet à réparer. Avec l'inquiétude, évidemment, qui en ressort, c'est que l'angoisse persécutive et l'angoisse dépressive ne s'emboîtent plus exactement de la même manière, et produisent quelque chose comme une sorte de narcissisme qui est véritablement une défense contre le dispositif persécutant, et qui expose le sujet non pas à une dépression, mais à quelque chose comme un effondrement de type mélancolique. J'emploie un vocabulaire que je n'ai pas formalisé du tout et qui m'inquiète un peu, parce que c'est comme ça qu'on décrit classiquement les psychoses hypochondriques, les phénomènes d'hypochondrie dans la psychose. Or, il ne m'a pas semblé qu'on puisse si facilement que ça ranger quelqu'un comme Paramore dans le cadre des psychoses hypochondriaques, parce que la dimension projective et paranoïaque y était entièrement absente. Alors, comme vous savez, Kernberg a écrit après son livre sur les borderlines, les deux choses ont écrit en même temps, mais ont donné lieu à deux livres. Donc, il y a le livre sur les états limites, et puis le livre sur la personnalité narcissique. La personnalité narcissique est un type de borderline, qui est devenu, lui aussi, un type social, n'est-ce pas ? C'est le pervers narcissique que vous trouvez dans Marie-Claire, à peu près à chaque numéro. Qui est le patron, le mec qui vous a sauté, mais qui est vraiment une ordure, enfin bon, voilà, le pervers narcissique, C'est-à-dire celui qui rend parano. Voilà. Alors, c'est un type social, c'est un type existentiel. Hein, c'est vraiment, il existe, il a nourri notamment des écritures de scénarios hollywoodiens. Enfin, vraiment, on ne peut pas du tout dire que ce soit une invention clinique en l'air. C'est vraiment un type existentiel qui a une logique telle qu'il peut se développer comme un personnage hein, de monstre. Alors, quelle est quand même cette notion ? Alors, sur ce narcissisme, je voudrais insister sur une dimension du narcissisme que j'ai trouvé dans Russell. C'est en fait, Russell parle de l'amour propre et dit cette chose que j'ai toujours trouvée super profonde, c'est que le problème de l'amour propre, c'est qu'il ne peut jamais reconnaître qu'il est blessé. Je trouve que c'est aussi profond qu'une pensée de La Rochefoucauld, ça. Parce que je trouve ça très très juste. Le propre de l'amour propre, c'est qu'il ne peut jamais reconnaître qu'il est blessé. Et c'est très compliqué de voir dans une formule de ce genre ce qui tient à la logique du concept d'amour propre et ce qui tient en fait à capter un sentiment très très très singulier. Il y a des gens, on peut leur faire les pires avanies. Leur amour-propre, ne pouvant pas reconnaître qu'il est blessé, fait que voilà, ils se baladent couverts de coups, de crachats, humiliés, etc. Toujours avec, comme ça, ça va très bien. Voilà. Et on a bien le sentiment qu'il ne peut pas être blessé, au sens où s'il est blessé, alors tout s'écroule. C'est ça le point. Il n'y a pas de petites blessures, il n'y a pas d'égratignures. Il n'y a pas de petite blessure d'amour propre. Soit il y a une négation absolue de l'existence de la blessure qui est la définition de l'amour propre. Soit il y a un effondrement d'une radicalité qui est au-delà de ce qu'on appellerait la dépression. Et il me semble que ce que Kernberg attrapait dans cette idée de personnalité narcissique, c'est que c'est ça qui est justement la structure défensive fondamentale de ce type de borderline, c'est que ils ne peuvent jamais se reconnaître blessés, humiliés, etc. Il n'y a aucune prise sur eux qui passe par la diminution de leur investissement narcissique. Alors, c'est compliqué par la complexité et probablement d'ailleurs la fausseté, je ne sais pas, mais de la conception de la castration qui dort derrière. En tout cas, quand vous lisez donc le Kernberg sur les personnalités narcissiques, tout le point de la cure consiste avec une sorte de développement radical de l'interprétation des preuves à, chez ces patients, provoquer l'effondrement du narcissisme. Et donc d'être capable d'accompagner ce type de patient dans des effondrements dépressifs absolument majeurs pour qu'il se reconstitue ultérieurement, éventuellement, un moi plus consistant. Ou un moi, en tout cas, plus normal. Au moins aussi normal que celui de Kernberg. Hein. Et là, vous avez quand même un truc qui est extrêmement... c'est qu'on voit très très bien comment on peut provoquer l'effondrement d'une personnalité narcissique. C'est une technique que connaissent tous les tortionnaires. Hein. En revanche, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste. En revanche, pour le reconstruire, il n'y a rien. Rien. C'est quand même un des trucs les plus fascinants dans le livre de Kernberg sur les personnalités narcissiques. Et il faut qu'ils en passent par cet effondrement, mais alors ensuite, on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui aurait été effondré sur ce mode irait se reconstruire de manière normale. Puisque déjà, si c'est construit comme ça, c'est qu'il n'avait peut-être pas du tout les moyens de faire autrement. Et là, vous sentez que chez Kernberg, un pied dans le kleinisme, un pied dans l'anaphrodisme orthodoxe new-yorkais, ça n'avance pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'un moi qui pourrait quand même, qu'on pourrait poser comme norme quelque part, dans la reconstruction de cet effondrement narcissique, là, vous ne l'avez pas. On ne sait pas du tout, il le suppose. Et alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que lorsque je décrivais l'histoire de Paramore, il me semblait que le point fondamental, c'était pas du tout de s'intéresser à la question du moi ou du soi, la modalité d'intégration de l'angoisse dépressive et de l'angoisse persécutive. Je me demande si les fameux traits cliniques rapportés au borderline, leur penchant à s'intoxiquer avec toutes sortes de trucs, les passages à l'acte, les automutilations, hein, qui sont quand même un truc... ça fait froid dans le dos, hein, je vous ai raconté une histoire comme ça avec une jeune femme dont je me rappellerai longtemps, hein, elle trouve un couteau de tapissier là, contre ma porte, parce qu'il y avait des travaux dans la cage d'escalier, et elle ouvre la porte avec le couteau de tapissier dans la main qu'elle avait ramassé, une jeune femme qui se scarifiait profondément, hein, c'était pas de la petite égratignure comme ça, hein, c'était, il fallait recoudre, bon. Regardant son sang couler, enfin, tous ces phénomènes extrêmement impressionnants qu'on peut rencontrer comme ça dans la clinique, est-ce que elle était effectivement quelqu'un équipé d'un très grand amour-propre, dont quand même on peut se demander, devant des situations de ce genre, qui irait s'amuser comme ça pour voir à provoquer l'effondrement dépressif de l'amour-propre de quelqu'un qui fait ça à son corps, par exemple, hein, qui fait des scarifications. Ça me paraît, vous voyez, beaucoup de choses. Il faut regarder où travaillait Kernberg. Il travaillait dans une clinique quand même. Hein. C'était une grande partie, c'était chez les Minninger à Topeka. Donc les gens, voilà, s'il y avait de la casse, c'est pas grave. Hein. On les remettait dans la chambre et puis on fermait et puis on attendait que ça passe, quoi. Tandis que quand vous êtes là, tout seul, dans votre cabinet, avec des gens comme ça, on ne peut pas remettre les gens dans la clinique. Donc Kernberg, c'est vraiment, c'est un type de pratique aussi où on sent tout l'univers coercitif qui permet d'assurer un cadre réel extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi avec les histoires de thérapie cognitivo-comportementale. On nous a quand même essayé sur des psychopathes. Enfin, si ça marchait pas, c'était pas grave. Hein. Les matons, on les ramenait dans les cellules. Hein. C'est pas... Donc là, vous voyez, c'est des audaces thérapeutiques qui sont quand même sacrément aidées par l'environnement institutionnel dont on découvre l'existence juste dans les remerciements. Je remercie la clinique de machin chose ou la prison bidule. Je racontais ça dans une présentation de malade sur un toxicomane qu'on avait à Villevra. Un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que toute la biologie de l'intoxication à l'héroïne, etc., la question de l'addiction, etc., a été faite sur des prisonniers. Sur des prisonniers américains, dans des prisons, qui ont servi de cobayes, hein, aux expériences sur l'addiction. Donc tout ce que vous voyez dans les manuels sur... le taux de machin chose, etc. L'origine de la recherche, c'est des prisonniers auxquels on offrait une remise de peine s'ils acceptaient de se prêter aux expériences des physiologistes qui regardaient les effets de sédation, la longueur où on pouvait supporter le fait de vous enlever l'héroïne ou de vous la remettre, etc. Donc, vous voyez, c'est pas du tout des êtres vivants dans un monde socialisé et complet, c'est des êtres vivants dans des cellules. Qui ont servi à fabriquer, qui ont été traités comme des rats de laboratoire. Quand vous lisez les protocoles, c'est complètement dantesque, quoi, de voir d'où sort cette biologie-là. Donc est-ce que c'est la biologie du toxicomane ? Oui, du toxicomane en prison, qui accepte de se livrer à des médecins dans l'espoir d'avoir une remise de peine. Enfin, j'aime bien signaler ça, parce que les biologistes, comme ça, ils nous cassent les pieds avec l'histoire de la fameuse addiction, etc. Mais si on leur rappelait dans quelles conditions les faits scientifiques seraient-ils biologiques ont été obtenus sur les êtres humains, on pourrait quand même aussi mettre en perspective, se dire que ce que tout le monde se dit, quoi, c'est que la toxicomanie des gens qui sont dans la rue, là, dans le 18e, elle ne ressemble pas tellement à celle des manuels des physiologistes. Semble amendable, les gens s'arrêtent, reprennent, etc. Ça n'a pas du tout ce caractère impératif, mécanique que la recherche biologique sur les addictions nous a donné. Je ferme cette parenthèse. Alors, dans le... Voilà, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est qu'il me semble que Kernberg, quand il se confronte à ce problème des borderline, il ne peut pas, tout kleinien qu'il est par la bande en introduisant les choses discrètement, hein, parce que le kleinisme, c'est le diable hein, aux États-Unis, presque jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et il est au fond fondamentalement un anafreudien qui pense que tout ça doit s'intégrer dans un moi. Mais dans un moi dont il est en quelque sorte un représentant électif. En particulier, la fameuse technique d'épreuve, là, si le patient délire dans le transfert, et délire au sens de perte de la réalité, s'il arrive à dire « je suis vous », pour l'exemple que je lisais la dernière fois, le « je » qui est là en question, c'est un « jeu en miroir ». C'est comme s'il avait traversé le miroir. Voilà. La perte de la réalité, la traversée du miroir dans le transfert, c'est l'envers et l'endroit de la même pièce. Mais alors, on peut se demander si la manière même dont il a appréhendé la question du borderline, c'est pas comme une limite de l'ego psychology, c'est-à-dire au fond, son point de départ, quoi qu'il dise, reste anafreudien. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'anafreudisme, mais le point, non seulement la conceptualité, mais l'attitude qu'il a à l'égard de ses patients borderline, c'est celle d'un moi qui vient interroger en face l'amour-propre de l'autre et qui en provoque l'effondrement. Voyez. Et c'est ça qui a, je crois, tout à fait remarquablement frappé Lasch dans la lecture de Kernberg, quand il fait cette référence un peu énigmatique de ce côté de l'Atlantique, n'est-ce pas, à l'Adam américain, de Louis, etc., à l'individu, à l'époque où il y avait des individus, des vrais individus, quoi, des gens qui tenaient debout, puis alors maintenant on a toutes ces lavasses là, qui se font psychothérapiser là, et pour lequel Lasch n'a que du mépris. Il leur oppose quoi? Il leur oppose le vrai moi de l'Adam américain. Le vrai moi du pionnier, du type qui arrive et qui fait exactement ce que fait Rousseau, hein, le bonhomme de Rousseau, le premier qui dit « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile, c'est exactement ça, ils arrivent avec des piquets, « ceci est à moi hein, ». C'est dans la nature vierge, sauvage, où il n'y a jamais eu personne, où il ne se passe rien du tout, ils arrivent et ils construisent voilà, des vrais moi. Alors, oui, mais c'est ça, au fond, je crois, le ressort de la chose. Au point qu'on peut même se demander si un certain nombre des phénomènes de borderline, qui est le mot même de borderline, que Kernberg met en évidence, ne sont pas des sous-produits, des effets d'un certain style d'interaction avec les gens. C'est que je crois qu'effectivement, alors ça, c'est peut-être de la clinique de comptoir, mais que si vous voulez... vraiment montrer à quelqu'un dans une présentation de malade, par exemple, à quoi ça ressemble un borderline, c'est vachement facile. On peut très très bien se mettre à parler à un adolescent. En 5 minutes, vous en avez fait un borderline. Il y a une certaine manière de parler aux ados un peu fragiles où vous croyez que vous faites émerger une structure qui serait objective, qui serait leur propre mode de fonctionnement. Mais quand vous examinez soigneusement comment vous leur avez adressé la parole, il semble bien que vous les avez confrontés à des points d'impasse, à des difficultés d'intégration sur des lieux très spécifiques, etc., qui font qu'ils explosent. Et c'est très important dans la clinique de l'adolescence de dire des choses de ce genre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'arrivent plus à distinguer un adolescent et un borderline. C'est-à-dire que n'importe quel adolescent devient potentiellement une bête fauve qui va s'auto-mutiler, un violeur toxicomane qui ne s'en sortira jamais, qui a des carences affectives, etc. Bon. Alors que quand même, 95% des adolescents, 3 ans plus tard, ils sont complètement rangés. Voilà. Heureusement, si la société s'écroule, hein, si les ados étaient... Mais quand vous lisez certains travaux beaucoup, par certains, beaucoup de travaux de psychanalyse de l'adolescence, ça ne fait que porter de l'eau au moulin des détracteurs de la psychanalyse. Parce que qui n'est pas borderline quand vous lisez ? Qui n'a jamais été un borderline fumant trop de shit, ne baisant pas les bonnes personnes ni dans le bon sens, gueulant contre ses parents, attaquant l'autorité, avec toutes sortes d'activités authentiquement perverses, des effondrements dépressifs, etc. Donc on pourrait, comme ça, très facilement... Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Il me semble que l'émergence de la catégorie borderline semble se produire au confluent de deux paradigmes dans la psychanalyse. Où il y a des gens qui sont bien conscients du fait que les gens qui viennent les voir ne sont pas exactement construits comme eux, mais comme ils les interrogent, les voient et les conceptualisent dans le cadre justement d'une carence qu'ils auraient à sentir coupable, par exemple. Là, ils ne sentent pas coupables. Ils ne sont pas intégrés, voilà, ils ont des... Du coup, ça verse au registre du déficit ce qui est observé dans la clinique. Et précisément d'un déficit qui n'est visible au départ, dit Kernberg, que par le psychanalyste, qui a besoin du transfert, qui a besoin de l'expérience du transfert pour faire ce genre de contact particulier, qui produit en même temps, qui... C'est, d'une certaine manière, c'est iatrogène. Voilà. Le borderline est une... C'est iatrogène. Et c'est iatrogène d'un certain type de psychanalyse. Alors, c'est un point sur lequel que je mets en réserve, parce que je consacrerai des séances plus tard à revenir au Lyon et à voir ce qu'on peut dire là-dessus. Mais lorsque quelqu'un a affaire à l'illimitation, si vous avez une conception trop rigide de ce que c'est qu'une limite, et en particulier une conception trop linguistique de ce que c'est qu'une limite, une conception qui ne fait pas appel au cycle des émotions, par exemple, qui est limitant, au cycle pulsionnel, à la peau, à des choses comme toucher, par exemple. Vous savez, Ferenczi touchait ses patients, alors bon, en plus il provoquait tout le monde, il paraît, quand il arrivait dans la conférence, vous touchez vos patients, avait-il. C'était Mathilde. Et ce que c'est d'ailleurs à d'autres modalités de la limite qui sont quand même tout à fait particulières, ou au sens finalement, comme chez Aristote, il y a cette... La notion d'infini chez Aristote, de non-fini ou d'illimité, ce qu'on appelle l'apeiron, et que reprend très judicieusement Bion, est liée à quelque chose qui est la puissance. Hein? C'est-à-dire que pourquoi les nombres sont en nombre infini, les nombres sont dit Aristote, parce que le mot qu'il utilise c'est apeiron, ça ne consiste pas du tout à dire que c'est parce qu'il y a un cardinal infini qu'on pourrait symboliser un aleph, vous voyez, comme chez Frege, à partir de Cantor. C'est parce qu'on peut toujours en donner un plus grand. Il y a toujours, à toute quantité donnée, on peut toujours donner une quantité plus grande. Et ceci est en puissance. Et c'est vraiment le mot qui est là, c'est en puissance. Autrement dit, ce qu'on n'arrive pas du tout à penser, c'est le fait que le borderline, c'est effectivement quelqu'un qui peut toujours aller plus loin. On y voit essentiellement une transgression. On n'y voit pas une puissance. Avec certains adolescents, ça pose quand même un problème. De ne pas pouvoir voir la puissance et de ne voir que la transgression. Parce qu'au fond... Et c'est pas parce qu'on a remplacé le moi par le moi, c'était vraiment les Américains, c'est des cons, nous, on a le signifiant phallique, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas parce qu'ils transgressent l'ordre phallique, n'est-ce pas, qui prend la place du moi, d'ailleurs, sans pièce et main-d'œuvre, joue le même rôle. C'est quelque chose de très frappant, c'est la question de savoir qu'est-ce que la puissance, l'empuissance, qui est dans la notion de limite et d'illimité, et qu'est-ce qui est perdu là-dedans. au point que je me demandais toujours, c'est quand même très frappant, quand les automutilateurs, il y a un truc qui m'a toujours frappé, j'en ai pas vu 36, mais à l'hôpital, on en voyait vraiment, on en voit beaucoup, hein, parce que les services de pédopsie débordés, dès qu'ils ont 16 ans, ils les mettent chez les adultes, hein, parce que ça traumatise les plus jeunes et tout. Donc on en voit en adultes. C'est que chaque fois qu'on leur donne une occasion de monter en puissance, si j'ose dire, les scarifications s'arrêtent. Alors je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire ça, mais j'ai toujours été extrêmement frappé du fait que parfois la façon dont il y a quelque chose de leur capacité à... C'est pas juste parce qu'on leur offre d'autres voies que la transgression. J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire là. C'est souvent caché dans des activités où on augmente leur capacité expressive, par exemple. Soit par des ateliers, des choses de ce genre, d'écriture, etc. Il n'y a pas tellement besoin, je crois, d'aller se demander s'ils apprennent du symbole, du trait, de la marque, de la lettre, tout ça. Je me demande si ça n'a pas trait, justement, à l'extrême difficulté qu'est l'adolescence de subjectiver la puissance réelle. Le moment où, effectivement, on pense plus fort, on vit plus fort, on sent plus fort, hein, et où, lorsqu'on bride cette puissance... Il se pourrait bien que la réponse iatrogène soit la coupure. C'est-à-dire vraiment quelque chose de l'intraitable. Au point que je me suis souvent demandé si les stratégies d'abstinence sexuelle qui sont un petit peu forcées, hein, dans les services, avec quand vous avez une gamine de 16 ans au milieu des adultes, hein, c'est un grave souci, hein, n'était pas justement extrêmement inducteur, hein, notamment des scarifications sur les cuisses, sur les bords des organes génitaux et autres pratiques qui sont quand même inquiétantes, hein, parce que même si c'est jamais chirurgicalement grave, c'est mutilant, hein, clairement. En tout cas, voilà, je mets ça en réserve. C'est la manière dont on pense l'infini. Or, le psychanalyste qui pense l'infini, c'est vraiment Bion. Le psychanalyste qui a accès... Et je vous dirai tout à l'heure quelles conséquences ça a sur l'association. Sur la façon même dont on peut écouter l'association. Alors, j'en arrive ainsi à ce point. C'est que vous voyez un peu dans quel contexte le borderline... est apparu dans les années 80-90 comme celui à qui la psychothérapie fait du mal. C'est-à-dire que quand on le psychothérapise, ça a de l'effet, hein, et puis ensuite il explose. Il se repique, il fait une tentative de suicide, il s'intoxique gravement, il fait un passage à l'acte quelconque, et on repart à la case départ. C'est certain que là où une psychothérapie, c'est du moi contre du moi, au sens de l'appui, au sens du conflit, quelque chose d'une certaine pratique de la psychothérapie est en jeu. Alors, maintenant, comment poursuivre sur cette histoire d'angoisse dépressive et d'angoisse persécutive ? Dans Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés, je rappelle qu'il y a des cultures qui sont très bien décrites par les Ortig ou pour l'Afrique francophone ou par Evans Pritchard chez les Azandés, hein, pour l'Afrique anglophone. Il y a des cultures où le type d'angoisse qui a été exploité pour la construction du lien social, c'était pas l'angoisse dépressive, mais c'était l'angoisse persécutive. C'est l'idée que la manière de traiter le mal, c'est très simple. S'il arrive une catastrophe, c'est la faute d'un être nocturne, sorcier, etc., qui fait que le mal est toujours indexé sur une intervention extérieure. Bon. Ça ne veut pas du tout dire que les gens ne sont pas coupables, ne savent pas que quelqu'un qui ne sème pas dans son champ, qui est paresseux, il ne récoltera pas. Mais celui qui a semé et celui qui n'a pas récolté, alors peut-être que la première fois, il n'est pas bien semé, mais là, c'est la deuxième fois, puis c'est la troisième fois. Bon, et tout fait bien, hein. Et tout fait bien, c'est qu'il y a quelque chose. Et cette idée que absolument incompréhensible pour les occidentaux, hein, qui voient une marque très très rapidement de religion primitive, hein, qui consiste à imputer le mal à quelque chose d'extérieur, alors que nous, n'est-ce pas, si la deuxième fois on récolte pas, on va se dire qu'est-ce que j'ai mal fait. On va pas aller se mettre en quête d'un mauvais sort ou d'un sorcier nocturne, etc. Bon, qui fait que mon enfant, que ma femme n'a pas d'enfant, que mon enfant échoue à l'école, etc. Bon. Il y a des cultures tout entières où l'économie morale repose sur la persécution, qui leur donne cette espèce de côté pseudo-paranoïaque qui est bien décrit par les... Et cela alors que la présence des sorciers, quand les gens vous les racontent, elle est complètement ahurissante. Enfin, des sorciers sanguinaires qui boivent le sang des humains, qui vivent dans des villages, qui sont un véritable double de la société humaine, qui sont cachés dans la brousse, que je connais quelqu'un qui a vu quelqu'un dont l'oncle avait, etc., on a rencontré un la nuit, etc., il a du sang. Enfin bref, des trucs qui nous paraissent délirants, tandis que nous, le péché originel, la conscience morale, il n'y a aucun problème, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Et là... Là, c'est dehors. Alors, ça a l'air beaucoup, pour nous, ça a l'air beaucoup plus délirant. Et d'ailleurs, ça posait un problème, puisque les grandes manifestations qu'on soignait dans ces pays-là, enfin, surtout à Dakar, hein, c'était des manifestations dont il fallait bien comprendre qu'elles avaient l'air paranoïaques, mais qu'elles n'étaient pas du tout paranoïaques. C'était le discours social de la persécution, comme prise en charge de l'expérience du mal, de l'échec, de la maladie, du raté, etc. Alors, c'est très étroitement lié dans les descriptions originaires, au lignage, les sociétés qui sont totalement différentes de nous du point de vue de la parenté, c'est une société de lignage, autrement dit, il y a un père fondateur, et par rapport à ce père, les hommes sont des frères en rivalité, hein, pour émuler ce père fondateur, et que d'autre part, les phénomènes de mélancolie, grave phénomène de mélancolie, il n'existait pas de mélancolie auto-accusatrice ou de névrose obsessionnelle culpabilisante, hein, dans ces cultures, parce que c'était fondamentalement somatique, hein, c'est-à-dire que les crises de mélancolie, c'était ce que nous on appelle la mélancolie stuporeuse, les gens complètement inertes, abattus, jusqu'à éventuellement en mourir. Alors donc, c'est un indice anthropologique que je donne et qui me paraît, vous voyez, c'est quand même hyper spéculatif, hein, ce que je raconte là, mais enfin bon, qui me paraît aller bien avec l'intuition kleinienne, hein, qu'il y a des polarités dans la dépression, de la persécution, de ces angoisses-là, qui pourraient bien être mis en batterie de manière relativement distincte. Il y a un Indien, Kashkar, qui a travaillé un petit peu dans cet esprit-là, mais j'ai jamais été très convaincu de... Je crois que le mieux qu'on ait quand même, c'est ce qu'ont fait les Ortigues sur ça. Mais là, comme je vous ai dit, on est dans des cultures du lignage, dans des sociétés holistes, où il n'y a pas de contrainte à la séparation-individuation. Qu'est-ce que pourrait être une autre articulation des angoisses dépressives et persécutives dans une société comme la nôtre, une société individualiste? Alors, dans le cas Paramore, ce que je suggère, c'est que le couple honte-hypocondrie vient d'une certaine manière montrer un certain jeu possible qui n'est pas celui de la culpabilité et de l'intériorisation, de l'approfondissement, hein, de l'intériorité auquel pense Mélanie Klein. Bon. La honte étant justement, la honte pour autrui, dans le cas de Paramore, pour ceux qui l'ont lu, la honte pour le père, au point que le patient sent le même mettre l'analyste dans une position très étrange, puisqu'il lui apporte quelque chose comme un mythe qui a directement une valeur métapsychologique, qu'on a du mal à prendre autrement que comme un mythe métapsychologique, mais qui est différent de celui de l'Édipe, qui est donc dans l'histoire que je raconte, Noé, la honte de Noé, et qui est un mythe d'origine aussi pour l'humanité. Et donc, bon, ça m'avait un petit peu donné à réfléchir à la façon dont, au fond, Freud a accueilli chez R.E. ce patient qui lui apporte l'Édipe, le mythe qu'il lui apportait. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois, il y a des patients, alors bon, chez Bion, c'est très connu, il y a Babel, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de mythes que Bion vient, recueille manifestement, en fait, de ses patients. C'est pas lui qui les... c'est parce qu'ils ont une consistance très forte dans sa clinique qui donne un peu d'air, quoi. Tout n'est pas œdipien et donc tout n'est pas pré-œdipien ou des choses de ce genre. Il y a d'autres façons de faire. Mais pour avancer, pour essayer de soulever la question de cette autre façon de faire avec les borderline, je vais vous parler de Marcia Linehan, l'inventeuse, je ne sais pas comment on dit. Enfin, la femme qui a inventé la thérapie dialectique comportementale dialectique. Pas forcément parce que il faut croire toutes les raisons qu'elle en apporte, mais parce que il y a là, après tout, si on fait une réflexion sur la psychothérapie, il y a des gens qui en font, que leur ignorance totale de la psychanalyse prémunit contre la volonté de pouvoir vouloir prouver quoi que ce soit contre Freud. C'est juste, ils ont vu des trucs, ils les notent, ils en parlent à d'autres, il y a là quelque chose de qui a sa naïveté, si vous voulez, mais qui en même temps a une simplicité dont on ne peut pas comme ça se moquer si facilement comme un simplisme clinique. Alors elle s'est intéressée, pour des raisons, sait-on depuis 2 ans, elle est toujours vivante, mais elle a fait ce coming out psychopathologique en 2011, elle s'est intéressée donc aux gens qui avaient des carrément des compulsions suicidaires, on les laisse tranquilles 10 minutes, au premier coup de blues, ils cassent un carreau, ils s'entaillent une veine, donc des automutilateurs, des drogués, il y a cette idée vraiment de l'intoxication, que ce soit l'alcool ou à la piqûre, à l'injection d'héroïne, etc. Et en prison, aux psychopathes. Avec notamment, chez les psychopathes, la question très problématique, surtout dans le système carcéral américain, qui reste quand même un monde inventé par les Quakers. C'est les Quakers qui ont créé les prisons, et notamment les prisons américaines. C'est pour ça que c'est le modèle de ces prisons-là. C'est les gens qui ne se sentent pas coupables, quoi. C'est l'idée de la notion de correction, qui est absolument, enfin, correction, qui n'est pas correction, qui est là, abandonnée. Une prison, c'est correctional facility, c'est pas correctionnel comme une maison de correction, c'est vraiment, c'est la nuance d'amender. C'est vraiment du vocabulaire théologique des Quakers, ça. C'est l'idée d'amender des gens qui sont pas coupables, c'est un problème majeur, parce que tout est conçu sur ce mode-là, de la prise en charge à l'encellulement, enfin, ce rapport à la construction de la solitude. Entre les quatre murs de la prison, on rentre en soi-même, il y a la lecture de la Bible, enfin tout le dispositif architectural réel du monde de la culpabilité qui a structuré la prison accueille des psychopathes pour qui la prison, c'est un terrain de jeu. C'est un endroit, il y a toujours des trous, vous savez, les psychopathes, on les reconnaît dans les services, c'est les mecs qui planquent les canettes de bière ou le shit, dans les serrures, dans des endroits inimaginables. C'est des gens pour de toute cellule, tout endroit clos et fermé est un terrain de jeu dans lequel on réussit à faufiler un truc, à sortir un téléphone portable, à planquer des canettes, de l'alcool, des médicaments doux. Hein, vous voyez ce genre de choses. C'est l'idée d'encellulement, d'enfermement. Ces gens n'ont pas de respect pour les murs, quoi. C'est-à-dire que ça ne leur fait pas l'effet de rentrer en toi-même. Et donc les mettre des psychopathes en prison ou mettre des psychopathes dans une chambre d'isolement, etc., c'est s'exposer à des grands dangers. Les mecs, ils avalent les vis, des vis qu'on peut pas dévisser. Il y a des trucs comme ça qui, il faut vraiment penser, parce que le mode de saisie du réel le plus, vous voyez, l'épaisseur du mur comme ça, faut surtout pas s'imaginer que vous êtes dans la même topologie que quelqu'un qui est un vrai borderline. Une porte, une fenêtre, une prise électrique, un truc, un panneau, n'a pas la même, vous voyez, fonction dans la motricité du corps, etc. Alors, ces patients-là, donc, qui sont des problèmes majeurs du système américain qui recourt massivement, vous savez, à la prison, Marsha Linehan l'a abordé d'une façon vachement intéressante. Elle s'est dit: le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe, c'est d'interroger les thérapeutes. Et les thérapeutes faisaient état de quelque chose de tout à fait frappant, c'est que c'était des patients non motivés et totalement démotivants. Les premières personnes à qui Marsha Linehan s'est adressée, c'était dans une clinique où on accueillait des psychothérapeutes totalement brûlés, consumés, le burn-out des psychothérapeutes, comme problème qui s'était posé, etc. Le burn-out. Les gens, on fait tout pour eux, on fait tout ce qu'il faut, etc. Dès qu'ils vont mieux, paf, ils cassent un carreau et ils s'entaillent une veine. Bon. Alors, elle a proposé un truc sur lequel je vais revenir, c'est cette espèce d'acceptation totale qui est, on ne sait pas ce que ça soigne, donc moi je pense que ça soigne en même temps le thérapeute et le malade, cette théorie de l'acceptation totale qui a pour finalité d'accueillir le patient tel qu'il est et d'amener le patient à accepter sa propre symptomatologie dans ses formes même les plus graves. C'est-à-dire d'être en quelque sorte mis en harmonie avec sa propre disharmonie, si j'ose dire. Et que c'est quelque chose qu'il ne fait pas seul, mais qu'il fait systématiquement avec la personne qui l'accompagne. Bon, alors, c'est là où c'est étroitement lié, structuré en dessous par une référence au bouddhisme sur lequel je vais insister. Je crois que cette acceptation du patient dans la totalité de ses dimensions, c'est un côté New Age, importation des psychologies, des médecines orientales dans les années 60, 70 aux États-Unis. C'est un côté mystique. Hein. Martin Luther King aimait beaucoup Marsha Linehan, je crois même qu'il l'avait proposé pour le prix Nobel de médecine ou le prix Nobel de la paix, je ne sais pas exactement, enfin un truc dans ce genre-là. Et sa candidature a tout à fait été examinée. Personne ne sait qui est Marsha Linehan en France, je ne crois même pas qu'il y ait de livre traduit d'elle, ou peut-être un ou deux, bon, etc. On parle là de figures culturelles hein, du monde américain. Et en tout cas, d'un moine, c'est vraiment pas ma soirée, je ne parle que de choses que je déteste, un moine bouddhiste, un Thich Nhat Hanh, qui est lui aussi un des pères qu'aimait beaucoup Martin Luther King. Je mélange et tout. C'est ce moine que Martin Luther King avait proposé pour le prix Nobel de la paix, c'est pas du tout Marsha Linehan. Il n'est que 10h25. Alors, une des conséquences de cette thérapie qui la met en difficulté avec les critères d'évaluation forts, c'est qu'elle ne va donc pas viser à l'élimination des symptômes en tant que tels, mais à l'amélioration de la qualité de vie. Autrement dit, elle va se servir, ils se sont beaucoup servis des axes 3 et 5 du DSM plutôt que de l'axe 1 et 2. Parce que c'est la globalité du fonctionnement dont il faut réussir à reconquérir quelque chose. La globalité du fonctionnement, même si le patient, par ailleurs, continue d'être extrêmement dépressif. Il y a des modalités de la dépression la dépression s'arrête, c'est qu'il faut que tout un ensemble d'inadaptations sociales et fonctionnelles soit suspendu en même temps pour que l'arrêt de la dépression soit un arrêt authentiquement thérapeutique et non quelque chose qui annonce juste que le patient a pris la résolution de se suicider ou de passer à l'acte ou d'aller faire quoi que ce soit. Parce que c'est ça le problème des choses. Et puis, dernier point, extrêmement important, c'est une thérapie qui est systématiquement individuelle et de groupe. Il n'existe pas de thérapie qui soit strictement de groupe ni strictement individuelle. C'est l'articulation des deux qui est la clé de voûte du système thérapeutique de Machin Lignoir. Si vous mettez bout à bout les choses, je ne dirais pas que c'est du bion, mais je dirais qu'il y a là vraiment une conception du rapport au réel du patient et de l'analyste à travers la figure de l'acceptation entière. Une manière de dire aussi, qui est typiquement bionienne, qu'au fond, ce que l'on cherche dans une thérapie, dans une psychanalyse thérapeutique, c'est pas tellement, au fond, l'élimination des symptômes, c'est que l'enrichissement de l'existence soit tel que le poids relatif des symptômes par rapport au reste de l'existence soit moindre. C'est ça, ce qui est, vous voyez, à nouveau quelque chose de très important, parce que ce n'est pas du tout comme l'idée de la réduction du symptôme au symptôme, comme dit Lacan, hein, d'arriver à un point de réduction dans lequel on n'en fait plus de maladie. Et qui lui-même se fixe autour d'un certain nombre d'énoncés qui sont des énoncés qui viennent encapsuler et cristalliser, souvent d'ailleurs avec une dimension hors sens, quelque chose qui était la souffrance spécifiquement névrotique. Non, là on est dans un rapport qui est de croissance et de développement, qui donc est puissamment nourri de psychogénèse, d'idées de développement, etc., même si c'est le développement pour des adultes, hein, et pas pour des enfants, et dans lequel la notion de qualité de vie, hein, est impliquée. Et enfin, ce qui est extrêmement bionien, c'est que l'articulation au groupe est le lieu de vérification. La régulation émotionnelle ne se vérifie pas dans le groupe à deux qu'est la cure, mais dans l'interaction avec les autres membres du groupe et dans les opérations projectives qui vont faire que la personne dont on s'occupe va, projeter ou intérioriser, réintrojecter telle ou telle figure particulièrement difficile de sa propre construction psychique. Toute chose qui, je crois, avec les adolescents, relève de la praxis spontanée. Parce qu'on le veuille ou non, si on refuse des thérapies de groupe aux adolescents, il n'y a pas de problème. Ils vont s'en faire tout seuls avec les copains de la chambre d'à côté, avec l'infirmier ici, etc. C'est-à-dire que les adolescents, les plus malades, savent très bien comment on va transporter telle figure persécutrice ou telle, etc. Et fabriquent des groupes avec des projections psychotiques extrêmement impressionnantes, d'ailleurs souvent, je dirais, tout seul. Il n'y a pas besoin de les mettre dans une structure de groupe. Et là, je crois à nouveau qu'il y a quelque chose de très profond chez Linnan, c'est en particulier contre le système d'encellulement individuel des psychopathes, des jeunes, le problème de ce qu'on appelle juvénile aux États-Unis, de créer ces types de structures dans lesquelles il faut qu'au contraire, il y ait des interactions de groupe au risque hein, d'effectivement de provoquer des effets de bouc émissaire, des rapports de groupe qui sont ceux avec lesquels on travaille et non pas ceux que l'on doit prévenir, qui sont l'enjeu. Alors, j'en viens au bouddhisme, ce qui a été la partie la plus... Je ne sais. Alors là, j'ai vraiment une amnésie complète. Le bouddhisme, ça me casse tellement les pieds que j'ai vraiment beaucoup de mal à retrouver mes petits là-dedans. Alors, elle s'est beaucoup intéressée donc à Han, qui est qui a été considéré d'ailleurs comme pratiquement une réincarnation du Bouddha. Je ne sais pas s'il est toujours évident ou non, et qui en quelque sorte a apporté en Occident une version très singulière du bouddhisme. Enfin, pas très singulière, bon, c'est la version, en fait, canonique, je crois, du grand véhicule, etc. Et avec cela, un certain nombre de techniques ou de technologies mentales qui sont systématiquement mises en œuvre dans la prise en charge, dans les TCC, de ces des borderlines. Alors, en particulier... en particulier, trois... qu'on trouve comme des technologies extraites de leur contexte bouddhique original. La technique de la concentration sur un seul objet, qui est en fait une technique d'auto-obsession, où on demande au patient de se focaliser sur une seule notion, une seule sensation, une seule expérience, etc., pendant des périodes assez longues, et de tenir par ailleurs un journal de ce qui les a distraits. On pourrait d'une certaine façon dire c'est exactement l'inverse de ce qu'on cherche à faire en psychanalyse. C'est-à-dire on fait un recueil de toutes les pensées qui nous ont distraits, tandis qu'on cherche à focaliser pendant une semaine, par exemple, le travail thérapeutique sur une idée qui est une technique de production de l'auto-obsession. La deuxième chose qui est absolument centrale à la technologie d'auto-manipulation bouddhique, c'est la renonciation au conflit. Sortir absolument de toute relation conflictuelle avec autrui comme avec soi-même. Et la troisième, c'est l'attention au corps. Alors bien sûr... ça a ce côté New Age, faire du sport, faut aller sur la plage, etc. Bon, ça dépend des thérapeutes, mais dont le cœur semble être l'idée qu'il faille traverser complètement les cycles émotionnels de l'angoisse, de la dépression, de l'excitation, etc., en les laissant arriver jusqu'au bout. Et ce qui a été un peu formalisé ou mécanisé en quelque sorte avec toutes les techniques cognitivo-comportementales qui intègrent par exemple des procédés de relaxation, de respiration, des choses de ce genre. C'est-à-dire que là où c'est mis au service d'une transformation extatique du corps dans les religions, dans le bouddhisme, etc., c'est là utilisé sur le mode d'une médecine douce qui fait... qui prend au corps et qui permet par là d'arriver à un état dans lequel l'esprit pourrait, d'une certaine façon, être dans un état qui ressemble à celui de la méditation bouddhique. Alors, Lin Han raconte dans cet article du New York Times comment, qui est en ligne, hein, je l'ai lu, je l'ai pas lu aujourd'hui, mais il est accessible en ligne si vous tapez là-dessus, vous le trouverez facilement, raconte comment les choses sont passées pour elle. À 18 ans, donc, elle est internée. À l'époque, ils avaient eu la schizophrénie généreuse. Hein, première nana qui s'automutile un peu... qui dit rien, schizophrène. Donc, elle est internée pour schizophrénie. C'est dans les années 60. Elle s'automutile, elle semble s'être blessée elle-même plusieurs fois. Et elle s'en sort progressivement. Elle va faire des études de psychologie, puis devenir un grand professeur de psychologie, créer cette technique thérapeutique. Mais l'événement qu'elle avait gardé pour elle, c'est un événement, donc elle fait, elle est dans. Alors je ne sais pas si elle est Linane, c'est peut-être. Oui, ça va être un nom irlandais. Elle va à l'église, et lors d'une de ses prières, elle a une illumination. Elle a sorte de truc visuel qui ressemble un peu à ce qu'on appelle une illumination dans le bouddhisme, hein, un phénomène lumineux comme ça qui l'envahit complètement. Et tout d'un coup, elle, une voix, c'est comme ça que j'entends, je comprends les choses, une voix lui dit en elle, I love myself, je m'aime, ou je m'aime moi-même, quelque chose comme ça. Et de ce jour, de ce moment-là, elle va sortir de la condition absolument tragique dans laquelle elle avait été enfermée pendant un certain nombre d'années. Elle a, je crois qu'elle a à peu près 25 ans au moment de cette crise. Il faudrait vérifier les choses. Et elle va pouvoir faire ses études. Ce « I love myself », je crois que c'est tout le contraire de l'amour propre. C'est l'amour de soi. C'est la capacité à avoir une compassion pour toute chose et pour tout être. Compassion dans laquelle on s'embrasse soi-même, on s'inclut soi-même. Et cette expérience-là, cette expérience éminemment bouddhique, hein, ensuite elle n'a pas encore découvert Bouddha, mais ça ne saurait tarder, comme vous voyez. Cette espèce de compassion universalisante et auto-incluante est très singulière. C'est qu'il n'y a pas de différence, en fait, entre s'aimer soi-même et aimer tout. Et là, c'est un motif qui existe un petit peu dans la philosophie occidentale, dans le stoïcisme, par exemple. Il y a cette réflexion sur quand une goutte d'eau tombe dans la mer, n'est-ce pas ? Il y a un moment, un instant, où la goutte d'eau est totalement et immédiatement contigu à tout l'océan. On passe la goutte d'eau, une fois qu'elle tombe dans l'eau, elle passe immédiatement à l'océan. On passe du plus singulier au plus total. C'est une figure dans la spiritualité stoïcienne de la co-appartenance radicale du singulier à l'universel. C'est une manière comme ça de représenter les choses, la goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Mais c'est un fondement du grand véhicule et des formes, je dirais, sophistiquées de la métaphysique bouddhique dont s'est énormément inspiré Macha Linehan. Alors, je vais vous en décliner les différentes formes parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle est allergique, qu'il faut se prémunir du conflit, mais alors que veut dire dialectique ? Dans Dialectic Behavior Therapy. C'est un soi, le soi en question, où coexistent de manière dialectique toujours deux polarités. La première chose, c'est que le patient, on lui dit « tu es aimé comme tu es » et « aime-toi comme tu es » et en même temps, tu dois changer. Et c'est un « tu dois changer » qui est un peu comme le « tu dois » qu'ancien, hein, c'est-à-dire que si tu dois changer, donc tu peux. C'est un « tu dois, donc tu peux ». Mais tu peux précisément parce que tu es aimé comme tu es. Et si vous réfléchissez bien, en fait, le simple fait de se reconnaître, de se dire « I love myself », donc « je suis aimé et je m'aime comme je suis », c'est déjà un changement. C'est déjà un changement, le simple fait d'être en cette position. Voilà un exemple, si vous voulez, de type de dialectique sur laquelle on essaie d'articuler la prise dans l'échange avec le patient. C'est quand même beaucoup plus fin qu'aller apprendre aux gens, comme je raconte dans mon bouquin sur les névroses obsessionnelles, que non, ils ne sont pas si responsables que ça, enfin, toutes les techniques qui sont employées dans les thérapies cognitives ou comportementales pour attaquer les cognitions négatives. Il y a vraiment l'utilisation de cette dialectique traditionnelle dans le bouddhisme. Il y a cette deuxième chose qui est très, très forte, qui est le moteur de la compassion, c'est que tout est dans tout, et qu'en même temps, l'individu est complètement lui-même. Alors, la métaphore est qu'étant lui-même, étant absolument lui-même, au moment où il est absolument lui-même, il est tout. Il est une partie du tout et il est une image du tout. Alors, la formule bouddhique qui sert à mémoriser ça, c'est que c'est le lion et ses poils, n'est-ce pas ? Le lion est dans chacun de ses poils. Et on ne peut pas, quand on a un poil, ils adorent, apparemment, les bouddhistes adorent les poils de lion dans la Chine du 7e siècle, c'est à l'époque Tang, hein, toutes ces choses-là se fabriquent. Donc ils aiment beaucoup les poils de lion. Et donc chaque fois qu'ils ont un poil de lion, l'idée c'est que pour celui qui est éclairé, la totalité du lion est présente dans chacune de ses plus petites parties. Et donc dans chacune de ses plus petites parties, la totalité est présente. Et donc vous avez ce motif d'une interpénétration absolue qui est très particulière, puisque dans cette interprétation, ce qui est absolument relatif, le plus relatif, ne fait rien d'autre que d'exprimer le plus absolu. Mais faites bien attention à cette formule. Cette formule-là, elle donne l'impression d'être hegelienne, d'être une dialectique hegelienne. Mais la différence absolument majeure, c'est que chez Hegel, c'est le soi se reconnaît dans l'autre. Il se reconnaît toujours dans son... C'est un processus de reconnaissance du toujours déjà là. Tandis qu'ici, la formule dialectique, elle est différente. Elle provoque une découverte et une illumination. Le soi se découvre et émerge comme une illumination dans la co-articulation de ces énoncés contradictoires. C'est en faisant le cercle qui l'amène d'un point à un autre, hein, comme je disais tout à l'heure, tu aimais comme tu es, mais c'est parce qu'en fait, comme je m'aime, comme je suis, j'ai déjà changé pour m'aimer comme je suis, et donc c'est les changements de s'aimer comme soi-même, etc. C'est en faisant ce circuit-là que le soi se constitue, se fabrique. Et il se constitue, c'est l'opération dialectique essentielle du bouddhisme, dans cette dialectique-là. Donc, vous connaissez dans le Zen, n'est-ce pas ? Alors, il y a toute l'école de l'illumination soudaine, hein, c'est-à-dire c'est justement en proposant un énoncé totalement paradoxologique, totalement contradictoire, qu'on provoque l'étincelle de l'illumination. Bon. Mais ça, c'est une figure qui vient du Zen, c'est-à-dire de ce qui s'appelle le bouddhisme Chan, après celui dont je parle, le bouddhisme chinois, qui est assez tardive. Ici, vous êtes au cœur de, je dirais, la métaphysique chinoise, de la métaphysique bouddhiste chinoise, standard du grand véhicule, où au fond, il n'y a pas besoin, c'est pas simplement réduit au paradoxe du maître Zen, c'est quelque chose qui est une véritable philosophie intégrative qui comprend une médecine avec une théorie des contraires, une théorie des alliances, de l'interpénétration du cosmos, etc. Bon. Une musique, une esthétique tout à fait spéciale, et dont l'origine se trouve dans cette théorie du grand véhicule. Si vous faites attention à ce point, ça altère, je crois, la manière de concevoir l'association. Non pas du tout comme quelque chose où le sujet se trahirait dans ces associations, où on verrait comme ça une structure émergée qui serait préexistante, mais avec l'idée que en proposant un terme contradictoire à celui qui vient d'être avancé par le patient, la découverte illuminante de leur non-rapport constituerait quelque chose de l'ordre du soi. Bon. Alors, c'est certainement, à mon avis, ce vers quoi Lacan, à certains moments, en parlant comme ça des effets d'éclair, des effet de l'interprétation qui produit un effet d'éclat à penser. Et c'est pourquoi je suis finalement, bien que j'ai une aversion, vous avez compris, pour la mindful awareness, tous ces trucs-là qui sont vraiment absolument lamentables, il me semble qu'on ne peut pas non plus négliger que là, quelque chose a été inventé par des observateurs de difficultés qui font que quand on réussit à faire émerger un peu de soi dans cette dialectique-là, il y a autre chose que le conflit qui vient se déchaîner sur la mode du passage à l'acte ou de l'intoxication, etc. Alors je conclue en disant ceci, c'est que d'une manière différente de celle que je décris dans l'histoire de Paramore, il se pourrait bien qu'on ait là affaire à des modalités d'intégration de l'anxiété persécutive et dépressive, où que je présenterai de la façon suivante. C'est comme si il y avait une opération qu'on pourrait appeler l'injection du mauvais objet et son éjection. Quelque chose qui est très simple, hein, très, très primitif. Il y aurait une véritable arrivée à l'intérieur, injection d'un mauvais objet qui ne pourrait être traité que sur le mode d'un testage, dont la figure la plus évidente est le passage à l'acte ou la mutilation, mais aussi une réponse maniaque, hein, qui consiste à prendre sur un mode triomphant l'injection, ce que j'appelle l'injection au sens métapsychologique du mauvais objet, le traiter comme finalement une intoxication, s'injecter quelque chose avec une seringue, hein, comme quelque chose qui est un triomphe maniaque sur le mauvais objet. Dans cette espèce de traitement du persécutif et du dépressif, faites bien attention que ça n'en passe pas exactement par une asymétrie radicale comme celle du sujet et de l'autre. Et non seulement ça n'en passe pas par une asymétrie radicale du sujet et de l'autre, mais pas non plus par quelque chose du conflit imaginaire, qu'une cure ne peut pas avoir pour but de mettre au jour ce que Lacan appelle l'infatuation subjective, pour qui on se prend. Elle ne peut pas avoir pour but non plus de déceler les opérations de la connaissance paranoïaque et de cette projectivité native auquel Lacan a rattaché les illusions du moi, en quelque sorte. Parce que ce qu'on veut faire dans les thérapies dont je parle, c'est que pour sortir de cette espèce de piège, de cette articulation singulière du dépressif et du persécutif, il faudrait insister sur un soi, un circuit où le moi, en quelque sorte, tout ce qui est de l'ordre du moi, et donc de la rivalité, de l'infatuation, etc., serait sorti complètement de la boucle où se constitue le soi. Et c'est pourquoi j'employais le terme de compassion. C'est qu'il n'y a rien de plus antithétique que cette compassion-là avec la charité chrétienne. La charité chrétienne, c'est de dire « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». C'est vraiment pris dans cette espèce de rapport de moi à autrui, hein, qui suppose que l'autre est constitué comme moi, est un moi constitué, que je suis... La compassion dont il s'agit ici, et sans aucune médiation, en particulier sans aucun miroir, une immédiate présence de l'individuel à l'universel, du privé au cosmique, en quelque sorte, comme la goutte d'eau qui devient l'océan, qui se mêle instantanément à l'océan. De façon à ce qu'on ne rencontre jamais, une goutte d'eau ne se mêle pas à une autre goutte d'eau pour se mêler à l'océan. Elles ne se font pas, elle n'a pas, au moment où elle touche la surface de l'eau, elle est instantanément passée au pôle exactement opposé. Et là, ça c'est la figure de la compassion, c'est pas du tout que je me prends pour tous les autres, c'est que je suis le tout. Et que dans cette interpénétration, comme disent les métaphysiciens bouddhistes, universelle, dans cette interpénétration-là, le moment du conflit avec autrui s'évanouit instantanément. Ça veut dire aussi que l'océan est dans la goutte. De la même manière, c'est-à-dire qu'il y a l'individualisation est complète et elle comporte comme le poil du lion ou la goutte de l'océan la totalité de la référence au reste du monde. Autrement dit, le borderline pris dans cette figure-là, c'est pas du tout un moi débordé ou hors limite. Le borderline est pris sur un mode positif où la goutte est en puissance l'océan, où la goutte d'eau est en puissance l'océan. Et où l'océan est en puissance la goutte d'eau, et que c'est une puissance de la goutte d'eau d'être l'océan, et réciproquement. Et là, je vais pas aller plus loin, parce que j'ai vraiment parlé très longtemps, et c'est un peu... c'est très hypothétique. Mais il me semble que la question très, très délicate qu'un adolescent difficile peut se poser... de savoir jusqu'à quel point il est dépositaire de la puissance de l'humanité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que mon corps, par exemple, ou la puberté, tout connement, qu'est-ce qui fait que mon corps est le corps de toute l'humanité ? C'est une question... Et si c'est le corps de toute l'humanité, qu'est-ce qui fait que, comme vous savez, c'est souvent, c'est banal, les premiers rapports sexuels, que c'est des capsules, que les psychos se déclenchent comme ça. Et si cette expérience-là était une expérience qui fait toute pathologique qu'elle soit, a besoin d'être possible, l'expérience de la folie dans les premiers rapports sexuels, pour qu'il y ait une humanité, par exemple. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer, au fond, devenir des êtres humains sans que quelque chose du contenu, au fond, de ce que nous sommes en puissance tous les autres, et pas simplement par la puissance de la génération, mais par le fait que nous ne pouvons pas ne pas penser que ce que nous éprouvons quand on prend cette conscience particulière que prennent les adolescents de leur existence, c'est au fond quelque chose qui les met dans une égalité absolue avec toute l'expérience humaine qui les a précédés, celle de leurs contemporains et celle de ceux qui les suivront. Comment ne ferait-il pas l'expérience du contact entre la goutte et la surface de l'océan ? Alors, à ce moment-là, loin d'être considéré comme une pathologie de l'adolescence ou de la jeunesse, ça permettrait de comprendre qu'il y a une puissance, une ressource, que des métaphores du liquide, une ressource particulière dans quelque chose qui n'est pas une transgression, mais qui est difficile à saisir et par lequel passe tout adolescent, en quelque sorte. Qui fait qu'on a toujours l'impression que n'importe quel adolescent pourrait être un borderline dans les descriptions dont je me moquais tout à l'heure. Mais je ne saurais pas dire ce que c'est, si vous voulez, mais il me semble qu'il y a quelque chose là autour de cette histoire qui est la rencontre qui structure tout l'inconscient chez les adolescents du moment où l'être fini qu'ils sont communique directement avec l'infini de l'humanité. Et c'est pour ça que quand Pion dit que la question de la psychanalyse, c'est pas celle du conscient et de l'inconscient, mais du fini et de l'infini, c'est la nature même de cet infini et la façon dont le fini et l'infini s'articulent, et dont ça va être ensuite négocié en utilisant les traumatismes, pas à cause des traumatismes qu'on a subis, mais en mettant en batterie les traumatismes, en mettant en batterie la sexualité infantile, à l'intérieur de ce questionnement sur fini et infini, qui permettrait de comprendre quelque chose de la psychopathologie des borderline. Mais ce que j'ai trouvé assez beau chez Linehan, qui est passé par cette expérience-là, et qui le pousse justement jusqu'à une compassion Et ça, c'est que ça change la couleur de la production théorique d'un machin pareil quand on apprend qu'en fait, c'est totalement privé, cette espèce de machin qui est standardisé, qui a des manuels, dont on imprime les journaux, ils sont déjà imprimés, vous savez, quand on les achète comme ça, sur lequel on note ses pensées incidentes, etc. C'est de penser que c'est quelque part, il y a la présence de quelqu'un là, qui a attrapé des choses avec, je crois, une certaine finesse. Et où le plus froid, enfin le plus technologique des TCC, si vous voulez, se met à résonner avec une certaine articulation du soi chez cette jeune femme. Voilà. Bon, il est tard. Est-ce que... Oui, quelqu'un veut dire quelque chose ? Ça fait un peu penser à la question qui travaille Teilhard de Chardin dans Le phénomène humain. C'est encore pire que le bouddhisme pour moi. C'est quand même intéressant. Le point oméga. Il n'y a pas que ça, mais le fait de combiner d'un côté la compassion qui est liée à son appartenance spirituel et la pensée de la science qui travaille sur l'infini, où justement il parle de la goutte d'eau. Et des atomes et de l'infiniment petit qui va toucher les premiers constituants, les particules élémentaires, tout ça, c'est un peu ce paradoxe. Je dis pas qu'après, derrière, oui, effectivement, après, il s'envole, il part en live, mais la question de départ, elle est mais la question du départ, elle est de cette ordre. C'est quand vous dites ça part en live. Ça part en live parce qu'il y a un côté New Age. Il y a un côté... Il y a un moment, comme ça, où la manière dont ça part en live est très, très compliqué à appréhender. Enfin, en tout cas, c'est vraiment tellement des univers culturels. Pour moi, c'est des papous, quoi. C'est vrai, c'est extrêmement loin. J'ai du mal à rentrer dans des trucs de ce genre, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il fait partie de la même constellation. C'est les mêmes années. C'est tout à fait le même... 52, je crois. C'est la Chine, c'est le... Voilà, c'est le ça. On voit très bien le milieu de Grotstein, là. C'est exactement ça, tous ces gens-là. La sagesse orientale et son alliance avec la sagesse occidentale, la question de ça, ce sont des objets. Mais c'est pas qu'un problème de sagesse, parce que quand vous parcourez le livre des 9 chapitres, qui n'est pas du tout un ouvrage de méditation et qui est plutôt lié aux éléments d'algèbre qui constituent la culture chinoise et la façon dont ils ont appris à penser avec des grains et pas avec des abstractions, des choses comme ça, des grains de maïs ou de riz. Il y a des éléments, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, et dedans il y a des éléments qui sont assez troublants sur la façon dont ils arrivent à circuler, d'où le boulier, des choses comme ça, qui leur permettent de passer par exemple des nombres extrêmement complexes par rapport à un occidental qui lui a du mal à penser au-delà de 1600, 1800, 2000. Ils sont capables de travailler sur des valeurs qui sont comme ça, sans rien, sans support. Oui, enfin, moi, le boulier, moi j'ai connu la Chine avant. Tu sais, j'ai une anecdote qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que pour additionner 2 et 3, ils utilisaient le boulier, quoi. Mm-hmm. Donc, quand je tendais la monnaie avant, une fois, ils ont failli appeler la police. Hein, parce qu'ils n'avaient jamais vu d'occidentaux, hein, c'était dans les années 80. Le fait d'aller plus vite que le boulier pour additionner 2 et 3, par exemple, le tendier, etc., c'était un trouble à leur public. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça. Un mec qui se trompe pas sur des calculs de... Il se représente peut-être des racines carrées 13e de... C'est pas les racines carrées qui sont... Non, mais des chiffres hyper compliqués. Mais moi, ça m'a paru stupéfiant. Non, mais c'est surtout le fait qu'ils sont capables de penser, par exemple, des nombres superposés de nombres. Nous, on est incapables de faire ça. Oui. On est capable de penser 3 fois 7, mais on n'est pas capable de penser... 5 calculs simultanément en se les représentant. Absolument. Sur des grilles. Oui. Donc ça fait une profondeur. Le boulier permet de faire ça. Voilà. Et quand vous travaillez par exemple sur des textes d'analyse de la méditation, vous voyez les gens qui sont capables d'avoir des couches un peu comme un millefeuille. Ça, c'est confondant. Mais il vous semble pas que c'est parce que c'est une question de corps, c'est que c'est inséparable de certains habitus corporels, de gestes, du regard. Il faut prendre tout en même temps. De corps. Oui, de corps. Ouais, c'est des techniques du corps. Le boulier, pour moi, enfin, quand on voyait les gens avec le boulier, dire c'est insensé. Vous avez déjà vu dans... Non, ça paraît pas. Moi, j'ai appris, j'ai appris une fois à compter avec le bouvier, et l'effet que ça m'a fait, c'est que c'est pas du tout la même mécanique. C'est-à-dire qu'on fait avec sa main un calcul qu'autrement on fait avec sa tête. Oui, qui est intériorisé. C'est pas du tout, mais c'est très impressionnant du coup. T'es dehors. C'est projeté. T'es dehors. C'est ok. D'ailleurs, les jeunes, ils pensent avec le pouce maintenant. Selon Michel Serres. Oui, voilà. Selon Michel Serres, ils pensent avec le pouce. C'est dehors. C'est dans le SMS qui se va. En mars, je ne sais pas quand c'est, le troisième, je disais, le 21 mars.